dormir l'auditeur avec des rimes et un gros son pour pas faire mal les moqueurs. Ensuite un refrain sans gros mots avec des O, avec des A, Pascal le doigt pour faire des rots. On verra bien ce que ça donnera. Léonet et Marquis Aïe, on vous lance comme balai fil de passer cette belle chanson dans une de vos émissions. Passe cette chanson à la radio pour qu'on empoche le magot. Passe cette chanson à la radio pour qu'on décroche le gros lot. Passe cette chanson à la radio. Oh oh oh oh, passe cette chanson à la radio. Oh oh oh oh. D'ajouter un second couplet avec des chœurs formidables, mais moi je ne vois pas l'intérêt. De toute façon, ça ne m'explique pas d'écrire des trucs pour la radio. Pour les fans stars ou Pegasus, ce sera sûrement plus rigolo. Léonet et Marc Isaïe, on vous lance comme balai fil de ne jamais passer cette chanson dans une de vos émissions. Ne passe pas ça à la radio, on n'a pas besoin de magot. Ne passe pas ça à la radio, nous on ne veut pas le gros lot. Ne passe pas ça à la radio. Oh oh oh, ne passe pas ça à la radio. Oh oh oh.